Hors du langage, un territoire. Troisième partie. L'agir. Avec les chants, les bruits, les murmures, les bribes, les souffles de Malika, Brigitte, Christophe, Gilles et Amar. Avec les paroles de Gisèle Durand et Jacqueline, cheville ouvrière de la tentative de Monoblet. Chantal et Claude Berton, parents de Christophe. Henriette et Jean Toche, parents de Gilles et membres de ses amotismes. Fernand de Ligny, dans les films de Renaud Victor, ce gamin-là est à propos d'un film à faire, et avec l'eau des Cévennes. Il sait faire, vous l'avez vu, il met deux couverts, même quand on n'est que deux, il met que deux assiettes, si on est trois, il en met trois. Et puis il sait quand on lui dit, il repère l'heure, enfin l'heure du repas, quoi. Mais par exemple, si après on s'assied et qu'on lui dit Gilles va chercher le sel, il se lève parce qu'il comprend qu'on lui demande quelque chose, mais le mot sel, il est là, puis il nous interroge. J'en conclus que c'est le mot. Moi, je pense que, évidemment, moi, je n'ai aucune compétence dans ce domaine, mais je pense qu'on a des moyens d'appréhender le réel. Oui, si. Et puis, il y a le mot, hein, le mot si, qui est différent. Si je fais le geste de mettre du sel sur... mes pommes de terre, il va chercher le sel. Et oui, mais si on dit le mot seul, il ne le comprend pas. Parce que finalement, on est tellement habitué au mot, mais le mot, c'est pas la chose. Hein, c'est pas pareil. Et lui, on a très nettement que les mots, il les comprend pas. Il comprend les situations. Par exemple, tu te rappelles quand ton père était très âgé, qu'il se déplaçait lentement et tout, il avait une habileté pour ne pas le presser, pour le contourner. Si vous voulez, devant les situations, il avait une sûreté, hein, mais les mots, alors là, non. Je sais la difficulté que Deligny, puisque c'est lui qui nous le disait, la difficulté qu'il a eue à essayer de préciser cette idée-là d'image. On peut dire que, bon, je vais le dire très simplement, et que ça répond peut-être pas exactement à ce que pouvait dire Deligny, mais on peut presque dire que la surprise, par exemple. Bon, il y a eu beaucoup de gamins autistes qui sont venus avec nous. Il y en a qui sont partis, il y en a qui venaient à un moment, il y en a qui ne revenaient pas, il y en a qui revenaient régulièrement. Enfin, il en est passé des dizaines et des dizaines. Comment se fait-il que des gamins qui arrivaient de milieux totalement différents et qui se retrouvent d'un seul coup dans un autre lieu, quel qu'il soit, même qu'il soit sur des murettes ou même dans une autre maison complètement différente, comment se fait-il que en quelques heures, quasiment tout est perçu. Hein. On peut presque dire, et c'est sûrement propre à l'humain, on peut dire, je suis toujours prudent, hein, c'est pour ça que je dis presque, on peut, parce que je me méfie, on part toujours dans des grandes phrases, on pérore un peu des fois, et on se laisse embarquer par le langage, et il faut faire gaffe. On peut presque dire qu'un gamin autiste, quand il arrive dans un lieu nouveau, et au bout de quelques minutes, quelques heures, tout est photographié, tout est répertorié, tout est comme un négatif. Hein. les habitudes, la place des choses et tout ça. Alors évidemment, ils ne nous le disent pas. Hein. Ils ne nous disent pas ce qu'ils savent. Et c'est des petits événements qui le révèlent. Ils ont une capacité d'observation très très grande, quoi. Même des petites choses. Hein. Moi, je parle toujours de l'histoire des assiettes. Vous avez acheté à prix unique, même, je me rappelle. Des assiettes avec des fleurs des champs comme décoration, vous voyez. Bah, puis nous, bêtement, on pensait que toutes les assiettes étaient pareilles. Hein. Et ça a mis bien 3 ans. Alors, il allait et puis il les regardait. Et puis il en prenait une. Et puis au bout de 2 ou 3 ans, on s'est aperçu que les fleurs étaient disposées en groupes différents, mais à peine différents. Vous voyez, c'est très drôle. Et alors, quand il avait mangé une fois avec une assiette, il fallait manger. Alors, c'est pour ça que quand on mettait le couvert ou quand on le mettait, il regardait les assiettes et puis bon, il allait en prendre une, ou bien s'il n'était pas sur la table, il allait en chercher une dans le placard. Son assiette, parce qu'il y avait un certain dessin. Ce qui apparaît, le langage n'ayant pas cours, c'est la nécessité impérieuse d'une vie coutumière. C'est-à-dire que tous les instants, tous les moments, tout à tout moment peut être repéré. Nos gestes, n'importe quoi, hein. Clac, c'est repéré. Du moment que c'est repéré, il vaut mieux puis toucher. Hein, puis il ne faut pas l'oublier non plus. Voilà. C'est le coup qui est devenu légendaire de Jean-Marie qui se tapait la tête contre son lit en pleine nuit, 3h du matin, parce que, si on peut dire, hein, pour établir une grossière relation de cause à effet, dans la matinée de la veille, Gisèle avait été coupée du bois, elle avait caillé sa chèvre qui basculait avec une pierre prise dans le petit mur. Alors à 3h du matin, en cavalant, Jean-Marie, il a attrapé la pierre sous la chèvre, il l'a remise dans le mur, et rentré se coucher, impeccable, dormait tranquille. Alors on peut toujours se dire qu'est-ce qu'il a. Il a qu'une pierre manque dans le mur de là-bas. Pour le dire autrement, pour dire les choses autrement, pour tourner autour de cette histoire d'image, et je ne saurais pas vraiment définir, on peut presque dire que tous les autistes qui sont là avec nous depuis des années, dont c'est des autistes mutiques, hein, qui ne parlent pas du tout, ils sont tous différents, bien sûr, mais il y a du commun, et ce commun, ça c'est sûr, c'est qu'ils sont, à longueur de temps, en attente de retrouver ce qui a eu lieu la veille, et l'avant-veille, et l'avant, et l'avant-veille. Et on peut presque dire qu'ils se foutent bien de la finalité de la chose. Ce n'est pas la finalité qui les intéresse. C'est pas la finalité. C'est que cette chose qui va avoir lieu ait lieu, hein, et se mette en route. La finalité. Tout le travail, enfin, c'est un travail, toute la. La tension qu'on a dans le quotidien, aujourd'hui comme hier, hein, c'est ça, c'est que ce quotidien soit... Alors, il ne faut pas qu'il soit non plus que immuable, parce qu'après, on risque de se recroqueviller, hein, parce que leur demande, entre guillemets, hein, c'est ça, c'est l'immuable à 100%, donc après, ça risque de se scléroser, hein, on n'ose plus. Hein, Le fait qu'il y ait du coutumier qui soit là comme base fait que L'imprévu est beaucoup mieux supporté aussi. C'est un peu, on a pris souvent cette image, c'est comme un établi d'un artisan. S'il n'est pas solide, costaud, tu auras beau avoir des beaux outils affûtés et tout ça, tu ne feras jamais quelque chose de bien, quoi. Parce que si ça drandaille, si ça bouge, ça... Et c'est vrai que la robustesse du quotidien... Le toujours pareil, on ne peut pas dire non plus que c'est toujours pareil, parce que quand même, d'une journée à l'autre, il y a des choses semblables, mais il y a des moments où on fait plutôt ça, on change les horaires pour des raisons diverses, hein, des raisons de priorité, parce qu'il faut faire autre chose. Et c'est vrai que c'est quand même très très bien vécu. Pour ceux qui vivent là avec nous, c'est sûr qu'ils prennent part à ce qui se passe, hein, plus pour certains et moins pour d'autres. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui ne prennent pas part ne sont pas aux aguets du quotidien. Hein. Ça ne veut pas dire ça. C'est pas parce qu'ils sont spectateurs, si on peut dire, qui pour certaines choses ne prennent pas du tout part à ce qui se passe. Mais ils sont quand même très vigilants à ce qui a lieu tous les jours se réitère et vienne. On a affaire à des personnes, donc autistes, bon, pour les nommer Gilo et Christo, là, qui sont des vieux de la vieille. Hein. Ils sont prompts à prendre part à ce qui a lieu. Alors, ce qui a lieu, c'est les tâches, ouais, c'est ce qu'il faut faire tous les jours. C'est une vie simple ici, hein, c'est une grande maisonnée de 7-8 personnes en gros. Hein, et puis il y a tout ce qu'il faut faire tous les jours pour que la maisonnée elle tourne, hein, faire la vaisselle, éplucher les patates, je sais pas, aller chercher du bois, aller se balader, aller un petit peu débroussailler des fois, parce qu'on est en pleine nature, étendre du linge, enfin bon, passer un coup de balai, il y a tout ça, hein, tout ce qu'il y a à faire dans une maisonnée. Et donc, le petit gars, là, Gilo et Christo, ils sont prompts à prendre part. Ceux qui sont venus déjà à l'âge adulte, en fait, ne participent pas vraiment à faire quelque chose, quoi. Un petit peu, mais vraiment à peine, quoi. Dans la vie quotidienne, pour faire la soupe, la vaisselle, les gestes simples dans la vie quotidienne. Et alors que c'est sûr que Christophe et Gilou sont quand même en plein dedans. Et la différence est très très nette. C'est-à-dire que si la vie quotidienne est prise par... ils n'ont peut-être pas accès justement à un quotidien comme ça. Est-ce qu'ils ont déjà accès aux cuisines? Je pense pas. D'après ce que qu'on a pu avoir comme écho. Hein. Ah oui, la grosse question des uns et des autres, qu'est-ce que fait Christophe ? Ou qu'est-ce qu'ils font ? Alors, on ne comprend pas qu'ils vivent pour vivre, qu'ils ne font rien pour faire quelque chose, mais que tous les gestes accomplis servent à la vie quotidienne. Ce qui est très difficile à expliquer. Et c'est ça le miracle. Dans ce lieu, c'est qu'on ne fait rien, on ne fait pas des confitures parce qu'il faut les occuper à faire des confitures, on fait des confitures parce qu'il y a des fruits à ramasser, qu'il ne faut pas qu'ils soient perdus, qu'on va faire des confitures, que ça fait un travail en communauté, ce qui est agréable, et que ces confitures, on va les manger. Voilà, c'est ça le miracle. Alors que dans une institution, on leur fait planter des petites fleurs parce que il faut les occuper pendant une heure à planter des petites fleurs. Voilà. La vaisselle, Jean-Marie, c'est ce qui était spectaculaire, surtout aux yeux des gens. Étrangers, si on peut dire, enfin étrangers à la vie du lieu, quoi. Donc ce qui était surprenant, c'est de voir ce Jean-Marie quotidiennement aller faire la vaisselle, puis il y allait, hein, je veux dire, il est en attente devant l'évier, que la vaisselle, et tout ça trois fois par jour, hein, le matin, le midi, le soir. Bon, alors, je vais dire pourquoi. Essayer, tenter de dire pourquoi, mais c'est pas parce qu'il est propre. Évidemment, aux yeux de tous les gens, quand ils voyaient ce Jean-Marie quotidiennement à astiquer la vaisselle, nettoyer et tout ça, il est propre, ou qu'est-ce qu'il pouvait dire encore ? Oh putain, vous l'avez bien éduqué, tu parles, on n'a rien éduqué du tout. En fait, une vaisselle, c'est ma manière de dire, et je pense m'approcher de la façon de voir d'un Jean-Marie ou d'un gamin autiste, la vaisselle, en général, sur 24 heures, elle est où la vaisselle ? Elle est dans les placards, elle est sur des étagères, elle est rangée dans le buffet. Sa place, c'est sur le buffet. C'est dans le buffet, sur les étagères. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait à manger ou quand on mange ? On dérange la place des choses. Hein ? Si dans les habitudes, les assiettes, elles restent sur la table et puis on mange la soupe et puis bon, c'est comme ça, on torche un peu avec du pain et puis bon, et puis le lendemain, on mange le même truc. Si dans les habitudes ça avait été comme ça, Jean-Marie, ça ne l'aurait pas dérangé. Bon, voilà, c'est comme ça. Il se trouve que dans nos habitudes, qui sont les habitudes de quasiment tout le monde, quand on a fini de manger, la vaisselle, on l'a là, les assiettes, les verres et tout ça, et les casseroles, et puis après on les range. Donc en fait, Jean-Marie, il n'était pas propre, il n'était pas bien éduqué. Il n'avait de cesse que ces objets dérangés, enlevés de leur place, retrouvent leur place. Et il se trouve que pour retrouver leur place, les assiettes ont aussi, on aurait pu aussi les entasser, aller les remettre directement avec un fond de purée dedans et les remettre dans le placard. Ça ne l'aurait pas dérangé non plus, ça, je suis un peu pas sûr. Mais il se trouve que ça passait par la case lavabo, la case évier pour laver et évier pour rincer et tout ça. Donc il n'avait de cesse que de remettre les choses à leur place. Et ça, alors, je dois dire que moi, au début, avec Jean-Marie, j'avais l'habitude de faire plutôt le signe à l'envers, c'est-à-dire qu'au moment de mettre la table, je montrais dans l'armoire, là où il y a les assiettes ou les verres de rangée, d'y aller, quoi, d'aller le chercher. Et Jean-Marie comprenait que dalle. Enfin, il ne voyait pas de quoi il s'agissait. Et là, Dominique, il dit, mais non, si on fait le contraire, c'est... On fait le geste à l'endroit où l'objet doit venir, doit être. Et donc c'est vrai qu'alors là, ça a été de suite, c'est là où Dominique quand même était doué, je dois dire, pour voir d'emblée, il devait être un petit peu autiste. le faire, ça leur va, ça leur dit, ça veut rien dire, ils y vont volontiers. Sauf que, il faut, alors qu'ils sont là sur, je ne veux pas dire en train de trépigner, mais presque, hein, presque là, en, sur la bordure, sur le bord d'intervenir, mais ils n'interviennent, comme on dit, ils n'interviennent pas d'eux-mêmes. Hein, et il faut toujours un petit déclic, hein, bon, rien, un regard. Hein, c'est des fois, bon, le temps qu'on se connaît, c'est un petit signe de tête vers le panier, c'est, et alors hop, ils fusent et ils y vont en faire. Donc, moi, ce que j'essaie de dire, c'est ça. Là aussi, il faut faire gaffe. Hein, faut faire gaffe parce que, l'air de rien, on est quand même. Je ne veux pas dire qu'on est dominateur, mais bon, c'est nous qui décidons de toujours de tout ça. Donc, c'est la porte ouverte à. L'homme, en général, c'est quand même un sacré dominateur. Hein. Donc, vivre proche de gars comme ça. Bon, ici, ça va. Mais il faut faire gaffe, quoi, tout le temps. Hein. Ils sont dépendants de. Alors, je ne peux pas dire de nous, mais du lieu, de ce qui se passe. Enfin, alors, on ne peut pas dire. Est-ce qu'on leur fait faire? C'est là, c'est difficile. Est-ce qu'on leur fait faire ou est-ce qu'on leur permet d'agir et de le faire? Alors, voilà, c'est pas simple. Hein. De bon à rien qu'il était, le voilà devenu une extraordinaire machine à tout faire. Décidément, sans le langage, point de fin. Vérité d'évidence qui peut nous éviter de voir que le langage peut avoir ses propres fins. Et de nous, il s'en fout pas mal, le langage. Ni plus ni moins. Que ce gamin-là. Parce que des fois, on entend à la télévision des gens qui vous disent « Ah, l'autisme, moi, j'en ai guéri. » Moi, j'ai eu un collègue un jour qui m'a dit « Quand j'étais petit, j'étais autiste. » Il est devenu pilote de ligne. Alors, j'ai rien dit, mais j'ai dit, j'ai toujours pensé qu'il savait pas trop ce que c'était. Voilà. Alors que Jean-Marie, hein, c'était vraiment le type de l'autisme. Il faisait tout à la magnanerie, il savait tout faire, impeccable, c'était toujours bien fait. Mais on avait l'impression absolument, alors lui, il voyait personne, enfin, ah oui. Il semblait ne voir personne. Et quand on voit les films, et tout ce qu'il faisait, parce qu'on le voit, parce que bon... Dans ce film-là, ouais, on le voit beaucoup. Jean-Marie, oui, il faisait n'importe quoi, mais tout. Bon, avec le langage et l'écriture. L'écriture, c'était des tirons. Voilà. Donc au début, de lui, il est à Burgas, et donc lui, toujours cinéma, caméra. Il y a toujours du cinéma, de la caméra pas loin. Donc il y avait ce film, donc il avait réussi à avoir un appareil de projection, donc il projette les rushs. Et c'est vrai que moi j'y étais, hein, donc, on n'avait pas dit, à Jean-Marie, bon, il n'avait rien à foutre de ce qui était projeté sur le mur. Et il était là arrivé sur ce. Tu as déjà vu dans un appareil de projection, quand tu passes un film, le circuit là où tu mets le film, il est quand même assez compliqué. Et en plus, il faut laisser des boucles. Parce que si tu ne laisses pas des boucles, après le film, au bout d'un moment, se tend et ça pète. Donc il faut toujours, à certains endroits, il faut laisser des boucles pour avoir un peu du mou. Et que si un peu ça se resserre, ça. C'est pas simple. Hein. Et je me rappelle, le truc était ouvert, j'en étais. Et d'un seul coup, le gars, il change là. Alors, il était fasciné par son putain de bruit, machin qui fait du bruit. Et Jean-Marie était là, fasciné par ce truc. Et au moment de changer donc une bobine, d'en repasser une autre, t'as chopé, alors là, ça lui arrivait, t'entends, de choper le truc, et hop, de prendre le gars qui. C'est pas moi qui mettais la caméra, la pellicule dans la caméra. Et t'as chopé le truc, et t'as passé le machin. Dans le capot, t'as le trajet, t'as le tracé pour pas te tromper, pour te rappeler que non, faut passer là. Hein. Un sacré moment. Jean-Marie. Ben, disons qu'il avait une façon de voir de suite le geste et de le faire. On ne peut même pas parler d'apprentissage, c'est que c'était. Il le voyait et il le restituait comme s'il avait toujours fait, comme si. Et ça, c'était tout à fait étonnant, même dans tout ce qu'il faisait, c'était un petit peu comme ça. Les gamins autistes sont en attente de que ce soit l'heure d'aller faire la toilette, par exemple, et c'est pas pour. Hein, c'est pas pour aller se laver. Voilà. C'est pour, si on peut dire, si on veut vraiment mettre un pour, parce que on est. Et puis le langage nous force, comment dire autrement, hein. C'est ce qu'a fait Deligny quand il écrivait, c'est comme si vous aviez, je sais pas moi, vous aviez une clé à molette. Et vous essayez de démonter la clé à molette avec la clé à molette, quoi. Hein. C'est démonter le langage avec le langage, et on se fait attraper, prendre tout le temps. On peut presque dire qu'un gamin comme Jean-Marie, puisqu'on le voit dans les images, dans les films, il se fait presque happer. Hein. On peut presque, et c'est de l'agir, quoi. Il se fait presque happer par la chose qui est en route, quoi. Hein. Et par cette chose qui est quotidienne, quoi, qui revient tous les jours et qui est hop. Ce qu'on appelait du pour rien, pour au moins se retenir à ne pas donner du pour. Hein. On disait du pour rien, ils ont des drôles de gestes, ils ont des drôles d'attitudes. Et le commun des mortels, comme on dit, la plupart des gens, il faut tout de suite qu'ils trouvent une signification, il faut tout de suite dire « Ah, il fait ça, c'est ou il fait comme ça, ou il fait comme ça, c'est pour, il tape les mains, ou il ne sait pas quoi. » C'est pour. Hein. C'est une boule de. Enfin, c'est un. Jean-Marie a tricoté Pendant... Alors, je ne sais pas combien de temps ça a duré, si c'est un an ou deux. Non, un an. Un an et un peu plus. Donc, je lui avais proposé de... J'avais monté sur des aiguilles, je crois que ça faisait à peu près une vingtaine de mailles. Et donc, il a tricoté une bande de 30... Enfin, on voulait la, on l'a pas encore vraiment dépliée, mais on s'était dit que ça faisait à peu près la longueur de la maison, si ce n'est plus. C'est-à-dire à peu près 30 à 40 mètres de long, de plein de couleurs. Merci à Malika, Brigitte, Christophe, Gilles et Amar, à Gisèle Durand et Jacqueline, à Chantal et Claude Berton, à Henriette et Jean Toche. Merci aux salariés actuels de la structure de Monoblet, Odile Durand, Marie-Lise Olivier, Laurie Benoît et Paul Espada. Merci au film d'ici et à Cyril Victor pour l'utilisation des extraits des films de Renaud Victor, Ce gamin-là, et Fernand Deligny à propos d'un film à faire. Merci à l'ASCAM pour son soutien à ce travail. Un documentaire en 5 parties de Juliette Volclair. Archives sonores et documentation sur www.intempestive.net.